Une rose à sa guitare, peuplée d'accords bizarres, le blanc d'un rayon de lune, jouant sur sa peau brune. Dans la nuit tiède, il chante la sérénade des amants de Grenade. Hier c'était le printemps dans l'Estramadure, hier il avait 20 ans, mais cela ne dure que le temps d'un instant, car la vie est dure pour les jeunes amants qui veulent croire au serpent. Et l'Arlequin de Tolède, sans sa guitare, trouve un accord bizarre, un écho de mandoline. Il revoit Colombine vibrant à la sérénade d'un pierrot de Grenade. Hier c'était le printemps dans l'Estramadure, hier c'était l'amant, mais cela ne dure servante, je te le jure. Avec cette leçon, il a fait une chanson. Une rose à sa guitare, peuplée d'accords bizarres, un arlequin de Tolède, perdu dans la nuit tiède, entend sous la lune blonde tous les amants chante la sérénade des amants de Grenade. Hier c'était le printemps dans l'Estramadure.